Ce n'est pas notre vieux Hal, pensa Floyd. Cela ne vaut pas mieux que les premiers jouets parlants lancés quand j'étais petit. Chandra appuya sur la touche repeat, et la série de mots fut répétée. Il y avait déjà une amélioration notable, mais personne n'aurait pu croire que c'était une voix humaine. Through musical experiences, whether it be live, which would probably be preferable because of the volume and the intensity you could generate, we're actually trying to release something within the listener. I think it works on some of the tracks. Thank you. Alors, pour que vous soyez à l'aise, vous allez remonter et puis vous allez mettre vos reins là, vos fesses plus loin. Comme ça, ça va tenir votre dos. We'll be right back. comparaison de la montre numéro 3 à la pendule. Premier jour. Pendule, 5h37, montre numéro 3, 2h36, 14,5 secondes. 5h37, avance de la numéro 3 sur la pendule, 2h36, 14,5 secondes. Avance de la numéro 3 sur la pendule, 8h59, 14,5 secondes. Intervalle entre les deux comparaisons, 24h40, marche apparente de la montre dans l'intervalle, 39,5 secondes dans 24 heures. Thank you. while the sun is glowing on the temple in the field. The shiny rejection of blind cutter with unreal. The prayers walk in line and wave their hands up to the sky. The fallen one appears and starts licking all the tears you're falling. Temple in the field, the shiny rejection of blind color with unreal. The ground is shaking out under the rhythm of their steps. An army of believers whispering some word of faith. Ce soir dans ce journal, le gouvernement qui veut en finir avec le trou de la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier ministre dans son discours. Je vous propose de l'écouter. Les pensions, le chômage, les jeunes, les vieux, les malades, tout cela coûte beaucoup trop cher. Nous devons faire des économies. Le trou de la sécurité sociale, ça suffit. Yeah! temps, con. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait à nous mettre les talons. And the winner is...

was like 16 years old and I made my first sound film. And I decided after that experience that I wanted to be a director. It was all I really ever wanted to do. I shot quite a few documentaries. And one was with this group, Peter, Paul, and Mary. That was my first feature-length movie. And then I did another film called Eggshells in Austin. It's truly a hippie movie. I mean, the actors in it were honest to God, you know. Yeah. This one sensed this wild storm. To be in their shoes, I doubt it. Nations break the law, destroying the sperm whale, hunting it down. International well-being, sentence of death, sentence of death, sentence to death, sentence to death. Every whale that lives in the sea. If you can't understand why who die, never return. Like the birds, like the animals, like the things we kill. We just don't even feel. We just kill without thoughts. With hate, danger within yourself. You blow and rip to smithereens. Things that would never hurt you. The whale is a monster's big thing. Harmless to the human being, we're not harmless to him. We'll be right back.

there's gonna be another brand new day. I'm a walking with my baby down by the San Francisco Bay. I mean tonight, walking with my baby down by the San Francisco Bay. Monsieur Campbell, le ministre d'Essendine, m'attendait à la porte de son jardin. L'excellent homme me demanda si j'avais déjeuné. Je lui répondis que je n'avais besoin de rien. Alors il prit ma main entre les siennes et la mit affectueusement sous son bras. « Allons, Davy, mon petit, dit-il, je vais vous accompagner jusqu'au guet pour vous donner un pas de conduite. » Et nous nous mîmes en route silencieusement. Do you have good manners? Do you follow?

We'll be right back. office and taking bites from every kiss. Past is dead, tomorrow's too far. All the chemicals, the bars, colored hair, cheap tattoos, they fail you on that point of view. Young savage. Dweller, dead end danger, kicking through the dust of friends who never get.